exactement le cadre de la CNI, c'est pas le même processus, c'est un cadre de politique publique. La CNI, c'est un processus de commun, qui fonctionne par autodétermination, à l'écriture d'une charte, des pratiques, des valeurs. Donc il y a la question de cette articulation entre les deux. Vous avez besoin que je parle un peu plus fort, j'ose pas à cause des autres. Un poil, ça marche. Sinon, on peut effectivement faire ça parce qu'on n'est pas si nombreux. Déjà dans un certain nombre de régions, il en existe qui sont très organisées, comme par exemple Actif à Paris. Il y en a qui sont naissantes, comme le collectif hybride en région Bretagne. Il y en a qui ont une histoire et qui sont en panne parce qu'elles n'ont pas de moyens, comme le lien en Normandie, ou la CRLII en région Occitanie. Il y en a qui ont fait long feu, comme la tentative d'un groupe de travail sur les lieux de fabrique acoustique à Lyon. Donc, en fait, c'est pas une histoire nouvelle. Cette dynamique de structuration, elle est en cours, elle est plus ou moins avancée. Mais sur Marseille, pour l'instant, à ce titre-là, alors qu'il y a beaucoup d'acteurs et une longue histoire de ces pratiques, on n'a pas véritablement ce type de choses. Donc, nous, à Art Factories, on s'est dit que c'était peut-être pertinent d'essayer d'impulser quelque chose à ce moment-là. Nous, notre réseau, on a beaucoup d'acteurs qui sont là depuis longtemps sur Marseille, qui portent ces histoires de liens intermédiaires, de pratiques, d'occupation d'espace, depuis un enjeu culturel, etc. Donc c'est pour ça que nous, on s'est dit, là, il y a vraiment quelque chose à faire. Et comme il y avait aussi un intérêt de la ville de Marseille sur ces questions, et un intérêt de France Active, qui est ici présent, un intérêt qui connaît des hauts et des bas, mais un intérêt quand même. Avec plaisir. Donc France Active, c'est les enjeux d'économie sociale et solidaire, et c'est les enjeux d'accompagnement pour les structures de l'économie sociale et solidaire. Ça constitue, disons, le cadre opératoire dans lequel on peut essayer d'imaginer ce que ce serait cette assemblée des lieux intermédiaires marseillais et ce à quoi elle pourrait travailler. Donc on aurait des éléments d'outillage, de ressources, d'accompagnement des lieux. On aurait des éléments de documentation de nos pratiques, de construction d'un récit commun, qui est un enjeu assez important, parce que c'est depuis la capacité à dire je, collectivement, nous, bon, nous sommes ceci, nous faisons cela, qu'on peut ensuite discuter avec un autre. Donc vous, vous êtes ceci, vous faites cela, et donc nous ensemble on peut faire ceci et cela. Mais tant qu'on ne dit pas quelque chose comme, on n'articule pas un petit peu une histoire qui dit qui on est, c'est difficile de parler à qui que ce soit. Et donc de construire évidemment un dialogue. Et donc de faire politique. Donc l'enjeu du récit commun, il est là. Il y a l'enjeu de l'accompagnement des lieux eux-mêmes, qui sont souvent fragiles, du rapprochement du coup avec ces dynamiques d'économie sociale et solidaire, sur lesquelles souvent les lieux intermédiaires sont positionnés sans que ce soit très conscient, très explicité. Il y a enfin cet enjeu de soutenabilité de nos pratiques. Constat qu'on fait, c'est que les lieux intermédiaires eux-mêmes sont fragiles. Ils durent plus ou moins longtemps. Certains, même par construction, ne sont pas faits pour durer. Mais en même temps, les pratiques que ces lieux permettent, elles réclament de pouvoir se maintenir dans le temps, à la fois parce que, en tant qu'elles garantissent un droit culturel pour les populations, les habitants, le droit d'accéder à une pratique artistique, mais aussi en tant qu'elles donnent la possibilité d'un travail artistique dans la durée. Le travail artistique exige un temps long, parce qu'il ne sait pas à l'avance quand est-ce qu'il va être fini. Sinon, ce n'est pas un travail de création. Voyez bien. Donc, cette question de la pérennité de la ressource dans le rapport au lieu, c'est une vraie complexité. Et à l'échelle des lieux individuellement, on ne peut pas la garantir. Donc, à l'échelle d'un milieu composé par l'ensemble des acteurs de ces lieux, par contre, elle peut se garantir. On peut voir, par exemple, il y en a plein des exemples comme ça, de milieux qui ont perduré à travers plusieurs lieux. On prend par exemple Mixarmieris à Toulouse, ils en sont à leur troisième occupation. Le Grand Zéro à Lyon, ils en sont à leur cinquième occupation. Donc, c'est toujours le même nom. Mixarmieris, ça vient de la friche qu'ils ont occupée au début, qui s'appelait Mixa. Qui s'appelait Mieris, pardon. Qui s'appelait la friche Mieris, c'est qu'ils ont fabriqué les chaussures. Aujourd'hui, ils sont dans un hangar qui n'a plus rien à voir avec les chaussures et la fabrication de chaussures. Ça s'appelle toujours Mieris. Qu'est-ce qui est toujours la même chose? Les gens qui composent le collectif? Non, pas en tant que personne individuelle. Ils ont presque tout changé. Le lieu qu'ils occupent? Non, pas vraiment. En fait, ce qui reste, c'est le milieu commun qu'ils ont formé. C'est un ensemble de pratiques et d'usages. On peut dire un esprit, on peut dire une philosophie, on peut dire une manière de faire. On peut dire, en fait, c'est un ensemble de pratiques culturelles bien sédimentées, organisées depuis une communauté, depuis des usages. C'est ces usages qui restent, plus que les usagers. Et en tant que tel, qui assure que quelque chose continue comme une personne collective qui est Mixarmieris. Et qui, elle, existe dans l'imaginaire de tout le monde, comme Shakespeare existe. À travers Hamlet, bien plus qu'en tant que personne. C'est Hamlet qui existe à travers le fait qu'on joue quoi. On fait vivre, c'est pas Shakespeare en tant que personne. Qui a écrit Hamlet. Ouais. Voilà, donc voilà où on en est. Voilà, je vous lis ça un peu, les questions qu'on a, du coup, mais la première étant quand même, est-ce que ça vous paraît les uns aux autres opportun et dans quelles conditions de faire un truc pareil, de s'embarquer dans un truc pareil, une assemblée des lieux intermédiaires, merci. Ça voudrait dire quelle structuration des lieux, quelle forme, quels enjeux, pareil de droit culturel, de récit commun, de juridique, de besoin d'investissement, etc. Et puis, il y a une autre question qui nous est... peut-être adressé, c'est comment on documente nos pratiques. Je dis notamment par les autres commoners, par la question des communs. Les pratiques de communs ne sont possibles que si elles se documentent, puisque c'est depuis leur documentation qu'elles garantissent l'accessibilité des ressources qu'elles contribuent. Vous voyez, si vous avez accès au code d'un logiciel, mais qu'on ne vous explique pas comment lire ce code, ça ne vous sert vraiment à rien. Donc il faut qu'il y ait un how-to, hein, comment l'utiliser à côté. De la même manière, si vous savez qu'un lieu intermédiaire existe, c'est sympa, mais si vous ne savez pas dans quelles conditions vous pouvez contribuer et y accéder, ben en fait, il ne vous sert à rien. Il est pas un, ça ne fait pas un commun, ça ne suffit pas. Quoi. Donc, comment on fait ça? Et puis, si on est très très bon, on se déclarera tous constitués en assemblée et on pourra le dire à nos amis après et engager la deuxième phase de travail. C'est robuste. Bon, on a 10 minutes. Bon, alors, comment on engage ça? Là, je ne sais pas exactement qui est autour de la table, et donc il faut trouver une façon de se le dire rapidement. Je propose un tour rapide, où vous dites votre nom, le nom du lieu dont vous venez, si vous venez d'un lieu, quoi. Et si vous venez pas d'un lieu, la raison qui fait que vous êtes là, mais en une phrase. Et peut-être si les gens sont adhérents de la CNLI. Alors, peut-être. Si, enfin, je sais pas en, si tout cas, a... en tout cas, les bah oui, si on peut rajouter ça, éventuellement les réseaux dont vous faites partie. On adhère à la CNLI, ça se paye. Il n'y a pas d'adhésion à la CNLI, oui. Ça, alors c'est vrai, il faut préciser que c'est vrai que c'est une... Ils sont signataires de la charte. D'accord. C'est un principe d'autodétermination. Parfois, je vois des gens qui nous sommes de jouer. Vas-y, on tourne dans ce sens-là. comme à la Belloc. Donc Dorine Julien, je travaille avec le groupe artistique Les Pas Perdus et on est installé nouvellement dans une usine, l'usine Pillard. Donc Yves Fravega, metteur en scène de la compagnie d'art de vivre, installé au comptoir de la Victorine. Une phrase un peu longue. Donc pour Claire Moreau, France Active, et pour dire deux mots d'introduction, je suis ici parce que l'association France Active travaille depuis des années sur le champ de l'économie sociale et solidaire, que le culturel en fait partie, que nous avons accompagné de nombreuses alternatives, compagnies, aussi bien sur l'accompagnement que sur des outils de financement. Que nous sommes en lien avec Art Factories et sur entremise avec la ville sur cette question des lieux intermédiaires et que je ne suis pas... Alors qu'il y a eu, et que vous avez peut-être reçu, communiqué de notre gouvernance indiquant que nous ne souhaitions pas nous impliquer dans ce forum, je ne suis pas là de manière totalement délinquante. Je considère que nous avons un besoin d'accompagner en tant que tiers les lieux intermédiaires et donc je suis là parce que je pense que c'est utile de pouvoir apporter les outils dont nous disposons pour essayer, s'il y a besoin, d'accompagner les dynamiques qui vont s'amorcer ici. Christophe April, sociologue, je suis là comme observateur. Ah, c'est facile. Après, je prends des notes. Je prends des notes papier aussi. Catherine Charletti, je travaille avec Dorine au Pas Perdu et Happy. Et bonjour, moi c'est Yann Ribet ou SCAD. Voilà, je m'identifie comme un activiste par le hip-hop. Voilà, c'est un grand intitulé, grande définition. Voilà. Virginie Carter, je travaille avec les Arapas, qui est une structure, un groupe d'action proximité, qui est d'action culturelle, qui est basé à la Cité des Arts de la Rue. Je travaille sur le quartier des Égalades, 15e, 14e, 16e. Okay, I'll introduce myself in English. And I can translate if you want. Okay, if you want, yeah. If somebody doesn't want. Okay, my name is Aranjol. I'm from Belgrade, Serbia. Donc, son nom c'est Aranjol. Aranjol, yes. De Belgrade, Serbie. Okay, I'm engaged with a local hackerspace. Hackerspace? Yes. Il est partie prenante d'un hackerspace local. Yes. And I'm also involved with some other struggles related to the urban cause. Et il est aussi engagé dans des combats qui aient entré au commun urbain. Hello, I also will speak in English. I'm Rob and I am an artist and activist from Cork in Ireland, Irlanda. And I am involved in a project, the Irish Commons Assembly, and we are creating a project called the Living Commons, a space for art projects, for people to come together, to grow food together, and to create a living commons. Okay, donc Rob, c'est ça? Oui. De Cork, en Irlande. C'est un artiste qui est impliqué notamment dans un projet, l'Assemblée des communs irlandaises. C'est ça? Irish Common Assembly? The Irish Commons Assembly. C'est ça. Ouais. Et ils sont en train de créer un espace, l'espace... alors comment on peut traduire ça, Living Commons? Des communs vivants? Dans lequel il s'agit de rendre possible des pratiques de communs, et notamment, tu as parlé d'alimentation? Yeah, de you food? Do gardening, you do food. Food and a place to gather and to meet and to have a library and, okay. And many things. Okay. Oui. Bon, probablement ce qu'on appellerait nous un lieu intermédiaire. C'est ça, c'est très bien. La traduction est un enjeu assez important aussi dans ces discours. Yeah. Ah, okay. You're welcome. Voilà, moi je m'appelle Angélique Siard, je suis à Marseille et je suis une association qui fait des, qui ouvre des lieux éphémères. Donc on en a ouvert un au Panier pendant 6 mois. Et là on cherche un nouveau lieu à investir autour de l'art, le partage, faire découvrir des artistes, etc., animer des ateliers. L'asso c'est Sisters Act et le dernier lieu c'était Atelier Kitoko. Voilà. Je m'appelle Yaël et je fais partie de la Déviation, qui est un lieu de création de recherche artistique à l'ESTAC. Voilà. Je m'appelle Elven, je travaille au Théâtre de l'Œuvre à Belzins, qui est un lieu de culture populaire et collaborative à Belzins. Voilà, qui est un espèce de lieu intermédiaire, mais qui ne s'appelle pas vraiment lieu intermédiaire pour l'instant, ou pas. Oriane, vous m'entendez derrière ou... Oui. Commence par Manu. Manu Perron, compagnie du Lamparo. Compagnie s'occupe de la représentativité et de la diffusion des cultures occitanes à Marseille. Et à partir aussi des collectifs qui s'appellent Décoloniser les arts. Et je suis là en tant qu'observateur. C'est d'ailleurs cette idée décoloniale qui a tellement fâché le président de France Active. Pour le dire, je relève, je souligne, je pointe. Ça tombe bien. Comment dire ? On va écrire pour résister au président. Ah, c'est beaucoup mieux. Alors, la suite. Du coup, Jocelyn Carlo, je suis un enfant à vélo à la rencontre des initiatives viables et enviables autour de la France et de l'Europe. Après mes études. Je suis en tant qu'observateur ce soir. Non, on va faire un prof. Ok. Bien joué. Un enfant à vélo. Henriette Meyer, je travaille au 3BCF qui est un lieu de résidence artistique situé à Aix-en-Provence dans le, l'hôpital psychiatrique d'Aix, ouvert sur l'hôpital et sur la cité. Et on fait partie du Art Factory et signataire de la CNLV. Je profite de ce petit blanc pour vous présenter, vous m'excusez parce que je vais devoir partir. Claire Guérin, donc je suis sociétaire de la coopérative Aquaba basée dans le Vaucluse. En tant que bénévole, donc je suis là à titre par intérêt personnel aussi pour la coopérative. Je vais aller chercher ma fille à l'école. D'accord. I'm from Naples and also from Germany, but I'm part of Asilo. I think we're the biggest group here, it seems so, because with the two or three other persons that still have to come, we are 16, I think. And yeah, I mean, this is a common which is almost doing several cultural activities. I mean, we have theater, music, and dance, and everything there. And of course, there's also the question how to create relations to what's around there. Okay, yeah. Je traduis. Ou Noémie. Bah, en fait, peut-être d'ailleurs tu pourrais parler. You could speak in Italian and Noémie could translate for you to us. Et Noémie pourrait se présenter. Aussi, ma... Et Noémie pourrait se présenter. Merci. Okay. Donc, il fait partie d'une commune à Napoli. Et il s'appelle l'Asilo. Et en fait, il s'occupe de l'art et de la culture. Tous les genres, tous les types de cultures. Et surtout, tout ce que nous faisons est Forsyth, una cosa molto importante a noi è sempre questa idea di vivere la diversità anche nelle comunità. E soprattutto per loro è importante di vivere la diversità nella comune. L'abitante sì. E la truc particulière de l'asilo, c'est qu'ils s'appellent des habitants de l'asilo. Donc ils ne sont pas une association, ils ne sont pas un collectif, mais ils se définissent comme des habitants en fait de ce lieu qui s'appelle asilo. Mais en fait, ils n'habitent pas là, mais c'est une façon de se définir. D'habiter. Et tu peux te présenter peut-être toi? Moi je suis Noemi, je suis ici pour aider un peu les Italiens avec les Français et j'essaie de faire de la traduction. Je m'excuse pour mon français, de quoi c'est pas difficile à me comprendre. Et voilà. Tu es aussi en volontariat européen? Oui, moi je fais maintenant un volontariat européen dans le cadre de service volontariat européen. C'est dans le cadre Erasmus, ce sont de l'argent quoi, qui est pour des associations. Je fais partie de l'association Orpis à Marseille, qui s'occupe, c'est une agence d'accueil qui s'occupe d'accueillir tous les jeunes européens qui veulent participer à ce genre de projet. Et moi, je suis dans le lycée Esclangon à Manosque, c'est un petit village dans la province, pendant 9 mois. Oui, voilà. Pour l'asilo, je rajoute une chose, il a dit qu'ils étaient très nombreux ici, ils sont 16 effectivement de l'asilo à être venus nous rejoindre. Et une des choses qui est très intéressante dans l'histoire de l'asilo de notre point de vue à nous, c'est que c'est effectivement un lieu intermédiaire qui s'est construit immédiatement dans cette perspective des communs telle qu'elle était énoncée en Italie au moment où ils sont nés, comme mouvement social. Alors que chez nous, les pratiques qui donnent les lieux intermédiaires ont commencé avant et depuis un endroit où on ne parlait pas tellement de communs. Donc eux, ils sont explicitement construits dans leur organisation depuis le début, depuis cette question des communs, de façon très rigoureuse. Notamment, ce qu'il expliquait quand il disait qu'ils ne sont pas construits en association, il n'y a pas d'organisation ni de type associatif, ni de type coopératif pour structurer l'asilo. Il y a juste une charte d'usage civique qui ne correspond à aucun dispositif légal, mais qui encadre l'usage et le rapport à l'espace. Ce genre de choses qui existent dans nos lieux, mais qui souvent s'insèrent à l'intérieur d'un règlement intérieur, d'une disposition de coopérative, etc. Et qui souvent vient frotter avec. Je passe la suite. Moi, c'est Nicolas Détry, de l'association Yesui Camp. Avec Yesui Camp, à Marseille, on a investi sur trois projets. Il y en a un qui s'appelle Coco Velten, qui n'est pas très loin, qui est à Belzins aussi. C'est un bâtiment de l'État dans lequel il y a... Il y a un centre d'hébergement d'urgence, il y a 80 places, il y a des ateliers, des bureaux et aussi des espaces ouverts au public avec une cantine, une grande salle. On est à Foresta, dans les quartiers nord, c'est un grand terrain vague. Donc là aussi, un peu comme, il n'y a pas forcément une structure à chaque fois, on essaie de faire exister quelque chose et il existe Foresta, la gare franche, ils en font partie. Enfin, c'est un grand terrain en plein air, au milieu de plusieurs... un centre commercial et plusieurs quartiers des cités. Et on a un programme aussi d'action participative qui s'appelle Caravanade, où on vient à la demande d'action de groupes locaux pour venir aider avec nos savoir-faire de construction ou d'animation sur le temps d'une journée. Et je pense que c'est aussi une manière de contribuer à créer quelque chose de commun dans le fait de vivre quelque part. De vivre quelque part. Moi, je suis Pascal Irvin, c'est qu'elle dit. J'ai une association qui s'appelle Réseau Événementiel qui fait du soutien à la création et à l'action éducative et culturelle à Marseille essentiellement et qui a créé une liste de diffusion qui s'appelle Réseau Prospect que nous animons collectivement avec Gilbert Sekaldi et tous les membres du réseau qui participent de façon active, plus ou moins active, en tout cas, communicative et commune. Frédéric Fusibé, metteur en scène et directrice artistique du Théâtre de la Mer, qui est né en 1980 à Marseille, qui s'est développé essentiellement dans les 13e et 14e arrondissements, et depuis 10 ans, qui a migré, mais qui reste avec de forts pieds dans les 13e et 14e, qui a migré sur le centre-ville, rue de la Joliette, avec un lieu de créer de pièces et que nous gérons en tant que compagnie. Notre travail vise à créer du lien entre les personnes de toutes origines dans une pratique commune de tout ce qui est spectacle vivant et plus particulièrement le théâtre. Voilà. Donc un bref tout avec des tas de populations qui actuellement ont peu d'offres de pratiques. Quand je dis pratique, c'est pas de la consommation, c'est de la consommation de spectacle aussi, mais c'est aussi de faire ensemble, de construire ensemble. Voilà. Moi, c'est Karine de l'association Juxtapo. On a un lieu qui s'appelle Le Couvent à la Belle de Mai, qui allie cité d'artistes et lieu de vie, avec un grand jardin qui est ouvert au public, avec des potagers, des ruches et différents usages. On accueille des scolaires aussi. Le Couvent. Une association qui s'appelle la Femme et Vie, qui est une des multiples associations qui peuple la friche de la Belle de Mai. Environ 70 associations dans la friche de la Belle de Mai. Et par ailleurs, membre de l'association Ars Industrialis, qui est basée à Paris, mais qui a des membres en région et ailleurs dans d'autres pays, qui est une association qui est défendue par un philosophe et qui a une approche philosophique et théorique sur les mutations économiques, sociales et culturelles apportées par les technologies numériques. Voilà, un petit groupe ici qui participe à tout ça. Claude Paraponaris, je fais partie également de l'association Arts et Industries. Je suis chercheur, donc je ne travaille pas dans un commun, mais j'essaie de comprendre comment peut fonctionner un commun, notamment au sein des villes, comment on peut développer du commun au sein d'une ville, et en particulier en contrepoint des projets d'intégration numérique et totalisant l'expérience. Je compare des expériences diverses plutôt dans le monde occidental. Je travaille sur le couvent avec Karine Labelle. Viviane, médiatrice culturelle pour la Cité des Arts de la Rue, qui est un lieu de fabrique et de création pour les arts en espace public à Marseille. Anciennement, squat avant d'être institutionnalisée. Perrine Kenny, je travaille à Subside, qui est prestataire technique au service du spectacle et de l'événement. On fait de la transmission aussi pour public amateur et professionnel. Et on organise des événements festifs. Et on est un des habitants de la Cité des Arts de la Rue. À Marseille, quartier. Maxime Denoc, qui est sous camp. Manuel Bourvitch, administratrice de l'art de vivre installée au comptoir de la Victorine. Je suis également là au titre du CINAVI, Syndicat National des Arts Vivants, qui est le syndicat des compagnies et lieux indépendants. Catherine Verrier, j'ai contribué à la fondation du lieu intermédiaire La Gare Franche, qui a fusionné très récemment avec la scène nationale du Merlan. Donc nous sommes devenus le ZEF. Nous étions adhérents au réseau Art Factory autre part. Et avec le ZEF, donc cette nouvelle entité scène nationale, nous allons continuer à être adhérents, vraiment dans l'idée que l'ADN du lieu intermédiaire qui était la Gare Franche a été préservé dans le projet du ZEF. Donc du coup, on continue à être une scène nationale, un peu lieu intermédiaire. Oui, et puis dans l'espoir que votre inscription dans notre réseau vous aide à continuer à préserver ça comme lieu intermédiaire. Oui. Oui, oui. Oui. Les enjeux de préservation de la ressource prennent bien des formes. Là, c'est un cas tout à fait atypique. Particulier. Je crois que ça ne s'est jamais posé comme ça. y a déjà eu, par exemple, Culture Commune. Oh. Culture Commune était une scène nationale. Mais après, c'est l'histoire du Nord, et c'est vrai que c'est très différent. C'est une scène nationale qui n'avait pas de lieu, et qui du coup se trouvait dans l'espace. C'était pas une scène nationale quand elle avait pas de lieu. Et au début, c'était pas une scène nationale. Oui, quand c'est structuré. Une fois qu'il y a eu le lieu, que c'est devenu une scène nationale. Mais même quand elles ont eu le lieu, c'était pas vraiment un lieu de représentation, c'était un lieu de travail. Et du coup, l'espace de représentation restait. Et du coup, ça n'a pas renversé. Ouais. Bon, c'était intéressant comme histoire. Bref, c'est une autre histoire. Ouais. Enfin bref, c'est une histoire comme ça intéressante. On a fini le tour ? Oui, avant que tu veux. Alors, c'est bien. On n'a absolument pas tenu l'idée de faire très très court, mais c'est normal. Vous avez quand même été vachement court. Et c'est vachement bien. Tu peux te présenter ? Moi ? Oui. Ah ouais, Jules. Il s'est déjà j'ai pensé que c'était déjà fait depuis longtemps parce que je l'ai fait plusieurs fois aujourd'hui, mais c'est pas grave, je le refais bien sûr. Donc moi, bon, alors, Jules Dégoutte, ma fonction c'est co-coordinateur de Art Factory d'autre part, qui est donc une plateforme de réflexion et un centre de ressources qui est porté par les lieux intermédiaires, hein, où un certain nombre d'ailleurs ici sont présents. On est partie prenante de la coordination nationale des lieux intermédiaires et indépendants. On a été aussi cheville ouvrière, par exemple, du 3e forum de la CNLI. On est opérateur de cette structure. Ça, je le distribuerai à un moment ou à un autre. Mon collègue Fred, il est parti avec les autres exemplaires. C'est les actes du 3e forum national. Et je pense que c'est vraiment, vraiment important que ça circule et que vous lisiez un peu ce qui s'est dit à cet endroit-là. Parce que ça résume un petit peu, du coup, non seulement qu'est-ce que c'est, mais surtout qu'est-ce qui occupe aujourd'hui ces lieux, ces pratiques, quels sont les débats qui sont au cœur aujourd'hui de l'actualité de ces lieux. Voilà. Et puis ça peut être aussi un outil puissant pour porter vos lieux. Pour transmettre, si vous voulez, vous pose la question, dire qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce qui vous occupe. Quoi. Ça peut être un outil de transmission, quoi. C'est un petit sésame, une façon de se présenter, je pense. Voilà. Bref, donc voilà, je suis ça. Puis avant, je suis musicien et j'occupe des friches, d'abord à Lyon, comme pianiste, dans un collectif interdisciplinaire à la friche RVI, puis à la friche Lamartine, ensuite à Mix Armeris à Toulouse. Et là, plus récemment, pas très longtemps malheureusement, à main d'œuvre. Je pense que ce sera l'occasion de faire un petit sujet d'actualité. Je crois qu'on a deux actualités qui sont adressées à nous aujourd'hui, dans cette assemblée des lieux intermédiaires qui nous concerne directement. Il y a celle de main d'œuvre qui vient de réussir à obtenir la réintégration en sursis de son lieu, mais enfin, pour 18 mois, et avec un jugement de fond qui est défavorable, qui consiste à dire... qui consiste à dire qu'ils occupent illégalement cet espace et qu'il faut qu'ils le restituent à son propriétaire parce qu'il entend exercer son droit de jouissance de propriétaire. Et ça, c'est le premier sujet. Et l'autre sujet, bien sûr, c'est celui du président de France Active qui nous dit que France Active ne peut en aucun cas être associé à un événement qui prétend travailler à des alternatives décoloniales. Il faut changer de président. Je pense que c'est la définition de l'Assemblée. Oui. En fait, c'est ça. Je crois qu'effectivement, c'était un peu ce que je voulais vous proposer de faire. On a là deux sujets qui actualisent les questions qui nous rassemblent et qui nous permettraient probablement dans le fond, de réaliser un peu qui on est en tant qu'Assemblée. Alors, du coup, comment on fait ? Quelqu'un veut présenter la situation de ma mère ? Bon, ça, je suis le mieux placé pour le faire, j'ai l'impression. Ouais, ça, c'est clair. Ouais, ça, je le fais. Ok, ça va. Et Claire, tu présenteras la situation de France Active, peut-être. Oui. C'est bien, on fait ça. Alors, pour main d'œuvre. Donc, main d'œuvre, c'est un des lieux pionniers des lieux intermédiaires en France. Un des premiers à s'être ouvert dans les années 90 avec le Confort Moderne à Poitiers, Mix Armeris à Toulouse, à l'époque la Friche Belle de Mai à Marseille qui était un lieu intermédiaire encore. C'est un nombre d'autres lieux comme ça. Alors, c'est un lieu qui a tenu dans le temps. Hein, c'est très important ça. C'est un lieu qui. qui a réussi à se maintenir. Alors il y avait un contexte politique favorable, un allié, c'est la mairie communiste de Saint-Ouen. Et ce qui s'est passé très récemment, c'est que vous savez, la couronne, la couronne rouge de Paris, elle est tombée avec la dernière vague de droite au municipal. Et donc Saint-Ouen est passé, qui était une ville historiquement communiste, est passé à droite. Et le maire qui a pris Saint-Ouen, il voulait faire un exemple. Parce que son registre, évidemment, c'était cette droite, cette nouvelle droite qu'on a en France, un peu décomplexée, là, qui était de dire, bon, ben, on nettoie, quoi. Donc on va nettoyer ce foyer de gauchistes qui est main-d'œuvre. C'était ça son projet. C'était pas un projet très intelligent. Ensuite, il a prétendu qu'il allait mettre un conservatoire à la place. Mais en tout cas, peu importe, il leur a sucré les subventions et ensuite il les a attaqués pour être incapables de payer le loyer. C'est marrant, ça rappelle des choses. Voilà. Et donc, ils attaquaient en justice en tant que propriétaire, puisque c'était le bâtiment appartenait à la municipalité. Il a dit, moi je veux retrouver mon droit de jouissance de propriétaire, ces gens-là ne remplissent pas leur obligation locative, donc il faut qu'ils disparaissent. Et faisant fi évidemment de tout le travail que main d'œuvre faisait sur le territoire depuis 20 ans et qui est reconnu par tout le milieu culturel, non seulement à Saint-Ouen mais à l'échelle de l'Île-de-France, mais qui est aussi reconnu par toutes les collectivités, départements, régions, villes de Paris, États, et qui est soutenu très très largement par l'ensemble des habitants de Saint-Ouen, puisque ça concerne énormément de gens sur le territoire, le travail de main-d'œuvre. Main-d'œuvre est un espace extrêmement sédimenté qui accueille toutes sortes de pratiques culturelles et qui joue un rôle essentiel dans l'exercice des droits culturels des habitants du territoire. Voilà. Donc, ça n'existe pas face au droit du propriétaire, ça saute. Et donc, ce qui se passe, c'est que main-d'œuvre, il y a 2-3 mois, là, je ne sais plus exactement, là. Non, même pas. C'était en décembre. Pas très clair. On se retrouve le matin, on arrive. Octobre. Fin octobre. Ah ouais, non, ça fait déjà ça, 2-3 mois. Donc on se retrouve devant un mur de béton et des flics. Ils ont muré pendant au petit matin, ils ont investi le lieu et ils font l'inventaire avec huissier de tout ce qu'il y a dedans. Et le lieu est perdu. Ce qui s'est passé, c'est que la préfecture a accéléré le mouvement sans attendre et ils ont évacué le lieu sans prendre le temps de consulter le juge des exécutions, qui est la personne qui est censée dire comment va être mise en œuvre la peine qui a été rendue. Voilà. Bon, ça c'est un peu délicat, mais pourquoi je dis ça, c'est important, c'est de comprendre ce qui s'est passé. Main d'œuvre a contre-attaqué sur un vice de procédure qui est que le préfet n'a pas informé le juge qu'il procédait à l'expulsion. Et qu'il aurait dû faire ça. La bonne pratique aurait consisté de la part du préfet à demander au juge comment procéder à cette expulsion. Mais dans tous les cas, il était tenu d'informer le juge en question qu'il allait procéder à l'expulsion. Il ne l'a pas fait. Donc, il y a un vice de procédure, donc l'expulsion, l'avis d'expulsion est invalidé. Du coup, main-d'œuvre a un sursis. L'avocat de main-d'œuvre a plaidé ça. Il a trouvé le petit vice de procédure qui faisait que main-d'œuvre a pu gagner 18 mois. Mais le jugement sur le fond n'a pas changé. Le jugement sur le fond, c'est main-d'œuvre est illégitime à occuper cet espace. Parce qu'il n'a pas payé les loyers. Voilà. Et le reste, on s'en fiche. Et le reste, ça n'est pas un sujet de débat. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'un enjeu, qu'est-ce qui est un enjeu pour nous collectivement en tant qu'intermédiaire face à ce genre de situation, c'est quel type de stratégie juridique on peut mettre en œuvre et quel type de rapport de force politique on peut tenir pour que cette stratégie juridique ait une chance de réussir, hein, bien sûr. Mais quel type de stratégie juridique on peut mettre en œuvre pour faire valoir les autres enjeux qui sont évidents pour nous à la fermeture de main-d'œuvre. Main-d'œuvre, c'est pas juste des locataires qui payent pas leur loyer. Main-d'œuvre, c'est un service d'intérêt général sur le territoire qui permet l'exercice des droits culturels des citoyens. Ces droits culturels, ils sont dans la loi. Ils sont dans la loi nôtre. L'État et les collectivités ont un devoir de soutien, d'autre part, depuis la loi LCAP, aux lieux intermédiaires. Comment est-ce que la ville de Saint-Ouen exerce ce devoir que la loi la signe, ce devoir d'accompagnement et de soutien aux lieux intermédiaires, article 3.14 de la loi LCAP, comment est-ce que la mairie de Saint-Ouen met en œuvre son obligation de respecter le droit culturel de ses habitants? Pourquoi est-ce que ça, c'est pas un débat? Voilà. C'est ces questions-là. Et comment? Vous voyez, je crois, ça concerne en même temps, si on arrivait à faire avancer ces questions dans le cas de main-d'œuvre, on le ferait pour nous tous. Vous voyez? L'endroit où ça peut vraiment être un sujet collectif pour nos histoires. Voilà. Je crois que c'est ça le contexte de main-d'œuvre. Mais tu parles de droit culturel. Est-ce que vous, en tant qu'association, vous avez engagé une action en justice pour faire respecter les droits culturels? Tu parles de nous, main-d'œuvre? Voilà. Enfin, non, vous, le Artfactory ou notre association, parce que dans la notion de droit culturel, il y a un positionnement très juridique qui consiste à dire qu'un simple, une simple personne, un simple citoyen, peut porter plainte, peut aller en justice parce qu'il n'a pas pu bénéficier de ce droit. Est-ce que vous l'avez fait? Non. Pourquoi? Parce qu'à vrai dire, la question de... Comment dire? En fait, il n'existe aujourd'hui aucun, malheureusement, aucun cadre d'application des droits culturels et aucune, ils sont très très peu opposables en fait, en tant que tel. Donc le problème, il est là. C'est pour ça qu'il y a un préalable qui consiste, par une stratégie juridique, qui consiste à construire un rapport politique sur ces questions-là. Sinon, ça ne servira à rien, en gros, pour le dire autrement, en soi. Donc ça veut dire que parler des droits culturels, en l'occurrence là, ne sert à rien? Pas tout à fait. On peut s'en servir justement comme une stratégie normative. C'est en parlant qu'on les amène à devenir efficients, mais parce que ça passe par un débat politique. Mais le droit d'être en justice pour réclamer le respect des droits, le droit culturel, qui peut le faire? N'importe quel habitant? C'est-à-dire que si on, il y avait une constitution d'un collectif d'habitants auxquels s'associeraient les associations, etc., il pourrait y avoir, sous une forme quelle qu'elle soit, la possibilité d'être en justice pour reconnaître ce droit. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui a été validé ou pas? Ça, c'est pas sûr. En vérité, les quelques juristes à qui on a pu poser la question là rapidement, il y a eu quelques échanges sur ces sujets-là. Il n'y a pas encore, c'est trop tôt en fait. Il n'y a pas encore d'intériorité sur le sujet. J'ai l'air de le dire. On en est loin. On est loin de pouvoir faire ça. C'est probablement pas par là qu'il faut prendre le morceau si on veut, sur le plan juridique, être efficient. Quoi. Et l'autre, donc, la fameuse loi LCAP avec le droit de soutien à des structures pire. D'intérêt général. C'est encore pire. Il n'y a pas de cadre d'application, il n'y a pas de décret, il n'y a rien qui permet de requérir ce droit-là. Ah, parce qu'à un moment donné, tu parles de stratégie, mais... Bon, tu as évoqué la notion de droit culturel. Moi, c'est des questions qu'on débat à Marseille sur le droit culturel pour le prochain mandat électoral. Mais si cet outil juridique est en fait une coquille vide juridique, à quoi bon s'en réclamer? Toi, si la stratégie consiste à s'appuyer sur la notion de droit culturel qui, effectivement, n'est pas un outil juridique opérationnel, à quoi bon se réclamer d'un outil qui n'est pas opérationnel au prétexte que ce soit simplement un outil agréable à manier? Voilà. Créer de la jurisprudence. Alors, c'est ça la question. Mais c'est tout. C'est pour ça que là, il y a un débat à avoir. Je suis tout à fait d'accord avec toi. En fait, je ne suis pas du tout sûr que ce soit la bonne stratégie. Je dis que c'est une stratégie possible. Il y a énoncé dans notre droit ces choses-là. Donc, on doit bien pouvoir s'en emparer. Sinon, ça veut dire qu'il y a un problème. En même temps, ça, c'est une position un peu naïve. Peut-être qu'il faut l'examiner plus sérieusement. Peut-être qu'il faut voir. Je pense que c'est comme la question un peu du droit au logement aussi, tu vois. Il a fallu aussi qu'à un moment donné, des gens s'en emparent pour que ça devienne un droit opposable. Et opposable, mais qui n'est pas... Enfin, c'est opposable dans le... C'est opposable dans, pas tant que ça, quoi. Dans les textes, quoi. Voilà. Sur du monde derrière, pas très souvent opposable. Là, peut-être. C'est parce qu'il y a du monde derrière. Que, si on s'en saisit pas, ça l'est pas. Tu vois, c'est ça aussi la question. Mais par contre, il y a une nécessité pour main-d'œuvre. C'est-à-dire qu'ils ont 18 mois devant eux pour trouver une solution. Si cette procédure-là doit prendre 3 ans, il est bien évident que c'est peut-être pas par là qu'il faut qu'ils y aillent, eux, pour défendre leur propre existence. Il n'empêche que moi, je pense que c'est important de s'en saisir de ces choses-là, de se saisir de cette loi NOTRe, de se saisir de la loi LCAP. Il y a différents éléments qui nous concernent dedans, en termes de concertation, en termes de droit culturel, et sur lesquels tout le monde s'assoit dessus aujourd'hui, mais allègrement. Et je pense qu'il faut absolument le faire remonter. La loi LCAP prévoit aussi que les politiques publiques sont établies en concertation avec les acteurs et les professionnels, entre les collectivités et les acteurs. Ça existe de façon extrêmement aléatoire, enfin approximative. Et je pense que c'est un... Enfin, pour pas s'y épuiser, et quand on a besoin d'être efficace, faut l'être, mais il n'empêche que ne pas s'en saisir, à mon avis, c'est une erreur. C'est-à-dire, si tu y vas tout seul avec ça, ça sert à rien. Si tu y vas à 100, c'est pas pareil. Il me semble que c'est... l'intérêt que je vois à réunir de cette manière-là, c'est autant, enfin, on voit bien que c'est sûrement très technique et pas facile de faire appliquer des droits qui sont d'abord constitutionnels et avant qu'ils s'appliquent, c'est un long chemin et il y a sûrement des personnes plus pointues qui peuvent s'en emparer. Mais ce que je pense qu'on peut apporter, c'est une sorte d'expérience avec l'addition de plein de lieux pour faire exister toutes ces valeurs. Comment faire pour que la main-d'œuvre, on ne regarde pas juste les loyers, mais on regarde aussi tout ce qui a été apporté. Et ça, d'avoir des personnes qui soient capables de le dire. Et ça va vers ce que je trouve intéressant aussi dans les situations qu'on découvre par cette journée ou qu'on connaissait avant, c'est qu'elles dépassent tous ou elles transforment tous le rapport à la propriété. Et là, ça a l'air d'être dans l'air du temps, quoi. Enfin, Piketty, son dernier bouquin, La propriété sociale temporaire, j'ai l'impression qu'on est plusieurs à, dans la manière dont on fait nos projets, il pourrait relever de cette appellation, de plus seulement être dans une logique où il y a un propriétaire qui a vachement de droits sur un occupant, et si bien même que des anciens bâtiments publics sont bâtiments publics depuis 300 ans, ils peuvent être achetés pour faire un hôtel de luxe, où, il devrait y avoir des sortes de servitudes d'usage, d'accès, servitudes de générosité pour des lieux, parce qu'ils l'ont été dans l'histoire, parce qu'il y a un lieu qui fait quelque chose, qui a cette fonction dont on peut estimer qu'elle relève de l'intérêt général depuis 20 ans, bah, qu'on puisse être en moyen de ne pas le traiter comme un entrepôt, une concession automobile qu'on rachète. Parce qu'il y a eu cet historique de service rendu. Elven ? Ouais, moi ma question sur la question des trucs juridiques, si du coup l'enjeu c'est de produire de la jurisprudence, et enfin de se saisir de ce truc des droits culturels, de la loi NOTRe, de la loi LCAP, et de, du coup comme tu dis, produire ben, du coup de la jurisprudence et produire du droit autour de la propriété foncière et du foncier extra destination de la culture. Du coup, bah après je ne suis pas juriste, mais je me dis que si on veut produire jurisprudence, il faut produire du contentieux pour pouvoir aller en justice. Du coup, est-ce qu'il y aurait un cas particulier sur lequel en fait on pourrait attaquer sur la base de la base de ces droit culturel, quoi. Là, il y a main d'œuvre. Ah, en fait, le contentieux, on en a bien assez, effectivement, pour le coup. Donc, il y a main d'œuvre, pour le coup, il y a main d'œuvre. Mais est-ce qu'à Marseille, parce que là, on est dans Marseille. Est-ce qu'à Marseille, il y a un cas qui. Ou même en amont, particulièrement, hein, emblématique. Ce qui peut être intéressant, c'est de s'intéresser à des structures qui sont en train de mourir parce que justement, elles n'ont plus d'argent pour payer leur loyer et que demain, elles auront aussi. Un avis d'expulsion et que peut-être il ne faut peut-être pas attendre ce moment-là. Pour moi, il y aurait un sujet effectivement au moins sur une assemblée des lieux intermédiaires marseillais à se doter d'une capacité d'action juridique et d'une ressource à ce endroit-là. Et il se trouve qu'en plus il y a ici les acteurs pour faire ça. On a discuté de ça notamment en montant cette journée beaucoup avec Béa Balex. Béa Balex, c'est une association qui fait de l'assistance juridique aux autres associations. Et en fait, ils seraient très intéressés par constituer un pôle de ressources sur la question notamment des communs et des lieux intermédiaires, donc des outils pour nos pratiques. Donc, en fait, ça, ce serait quelque chose d'intelligent. Moi, j'ai vécu ça, par exemple, à la Friche Hervéille à Lyon. On avait anticipé le moment où la ville et la collectivité territoriale nous mettraient en procès. On avait un dossier prêt au moment où c'est arrivé. C'est ce qui a fait qu'on a pu mener le combat et gagner le procès. Bon, après, on a quand même perdu le lieu. Ça ne suffit pas toujours de gagner en justice, hein, parce qu'ils ont fait brûler. Ah oui, non, mais il y a des surprises. Hein. Mais enfin, en tout cas, et tout ça pour dire, on revient à cette question juridique juste pour les communs. Parce qu'en fait, il y a parlé de Thomas Piketty, Nicolas, tu parlais de Thomas Piketty. C'est intéressant, parce que c'est vrai que c'est un gros sujet, comment on réinterroge la propriété. Et en même temps, on voit aussi que En fait, c'est fondamentalement le sujet des communs. Et que, en fait, encore aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne le connaissent pas du tout. Et un type comme Thomas Piketty peut ne rien savoir des communs, au point qu'il parle de propriété temporaire sociale, sans être passé par ce cheminement-là, qui est en fait très, très, très écrit, très construit. Et une des choses essentielles que disent les auteurs des communs, que ce soit des économistes, des juristes, c'est la condition de constitution d'un commun, c'est la capacité à préserver une ressource dans le temps. Donc c'est contradictoire avec le caractère temporaire. D'ailleurs, par exemple, quand l'hôtel de ville de Lyon a été transformé en hôtel de luxe, c'est un hôpital public, ça a été fait au mépris du texte de loi qui est écrit sur ses murs, qui disait que cet hôtel était donné à la ville de Lyon, à la ville de Lyon au sens l'ensemble de ses citoyens, par les généreux donateurs qui le faisaient uniquement si, à tout jamais, cet hôtel servirait les pauvres et les nécessiteux et les malades. Bon, voilà. Bon. Voilà un cas typique d'enclosure ou d'appropriation par le public d'un commun constitué depuis une déclaration juridique, normative en fait, donc au mépris du droit. Donc au mépris du droit. Mais le droit, c'est un rapport de force. En fait. Défend. Le droit se défend. Et c'est pour ça que c'est une stratégie qu'il faut construire politiquement. C'est là où... Il y a bien sûr la question de ce qui est plaidable en justice, mais ce n'est pas juste ça la question de la stratégie juridique. C'est de quel droit on se revendique et comment on mène une action politique depuis la question du droit. Donc, un rapport de force, comment on peut dire. Même si c'est un tout petit peu à côté, ça me rappelle un peu, on en parlait ce midi, pour transposer au secteur agricole, il y a des suprastructures, comme Terre de Liens par exemple, qui ont cette particularité d'acheter du terrain en garantissant l'usage du terrain. Et on pourrait peut-être aussi imaginer que dans d'autres champs, il pourrait y avoir aussi peut-être des suprastructures qui garantiraient d'une manière mutualisée, je ne sais pas, c'est des réflexions en tout cas qu'on pourrait avoir, l'usage durable du lieu, des bois amphithéotiques, etc. Après, je rebondis sur ta proposition. C'est-à-dire que dans l'histoire des états généraux culture là, sur Marseille, autour de la notion de droit culturel qui me semble moi très critiquable, on a introduit la notion de devoir. C'est cette notion de devoir qui est un peu, je l'ai cité sur la loi NOTRe à un moment donné, revendiquait le fait que les collectivités territoriales exercent leur devoir vis-à-vis des citoyens, vis-à-vis des acteurs culturels dans la concertation. Et donc, si cette notion de droit stratégiquement appelle la notion de devoir, elle est toujours un peu plus irritante et un peu empoisonnante parce qu'elle nous rappelle le milieu scolaire, le milieu normatif, le milieu parental, vous voyez, faits et devoirs, etc. Mais alors que la question des droits aujourd'hui, il y a une espèce de hyper prolifération des droits, il y a des droits à tout, avoir un canif, un poids blanc, on a droit, voilà. Mais la notion de devoir, c'est un peu plus coercitif et c'est un peu plus rigoureux. Donc effectivement, je pense que si on va dans une défense d'une idée de devoir par rapport à l'idée des communs, par rapport dans la concertation, dans le respect de la loi, effectivement, l'autre est la paix, à ce moment-là, ça. En termes de stratégie, déjà, moi je trouve qu'on déplace le curseur. La notion de droit, tout le monde peut se revendiquer, c'est forcément bien. C'est positif, c'est droit. C'est le devoir de chacun de faire respecter ses droits. Parce que si je vais au bout de ton devoir, c'est le devoir de chacun de faire respecter ses droits. Mais alors moi, j'entends quelque chose d'autre dans ce que dit Christophe. Il parle des devoirs, du devoir de la puissance publique. Oui, mais enfin, c'est mon devoir. Le devoir à nous, chacun, par rapport à nous, à nos pères. Ouais, ça peut être ça aussi. Ou du devoir d'une structure supra qui, à un moment donné, un règlement dans le sens d'une assemblée, quoi. Voilà. Elle a des devoirs. Moi, je rejoins en disant que l'être humain, il a des devoirs. C'est super dur à dire, mais c'est vrai. Et il faut comprendre, c'est des devoirs sociaux. Et que parce que c'est des devoirs qui sont sociaux, et ben hop, on oublie de parler de devoirs. On parle pas de devoirs. Parce que le social, on peut rien faire. Et c'est parce que on parle de social que les devoirs, ils sont pas pris en compte. Et justement, pour moi, le passage, il est là. La clé, elle est là. c'est d'arriver à faire comprendre que oui, en tant qu'être humain, on a des devoirs sociaux envers les autres, envers les autres personnes. Et ces devoirs sociaux, ben, c'est très lourd, c'est lourd à expliquer, parce que ça, c'est des devoirs. Et qu'en soi, les devoirs, on n'a pas de devoirs. En tant qu'être humain, on est libre, on n'a pas de devoirs. Bien sûr qu'on a des devoirs. En tant qu'être humain, on a le devoir envers les autres. Et du coup, ça implique d'arriver à montrer qu'on peut faire société ensemble, seulement si on arrive à avoir une écoute des uns et des autres. On arrive à être ensemble sur quelque chose, sur une idée commune. Enfin, je sais pas. C'est ce que je pense. C'est pas que je t'ai pas écouté, mais j'aimerais juste rebondir sur Terre de Liens. Ouais. Avec cette idée de superstructure, suprastructure, il y a un endroit où d'un coup j'ai pas confiance. Et parce que, par exemple, pour Terre de Liens, je connais pas vraiment extrêmement bien, mais on s'y intéresse un petit peu parce qu'on commence à aller un peu plus vers la campagne avec un groupe. Et en fait, c'est quand même. Je sais même pas quelle forme juridique ça prend, je sais pas si c'est une asso ou quoi, mais en tout cas, elle est propriétaire. Elle possède des terres et après elle s'engage dans ses devoirs à développer avec pour une jeunesse agricole. Mais ça n'enlève pas la difficulté, enfin la problématique de la propriété pour moi. Et parce qu'on est dans quelque chose de très centralisé quelque part avec un endroit qui possède les biens communs. Et il y a une autre question où en ce moment on se pose à la déviation notamment, parce que du coup il y a le modèle de la propriété d'usage avec un montage juridique, et en ce moment on est confronté, enfin on a été confronté lors de l'achat à savoir par quel moyen financier on allait, enfin quel moyen financier. Et en fait on a rencontré plusieurs gens, groupes qui ont monté des fonds de dotation, je crois notamment que Dar Lamifa, avec la personne de Dar. De la Dar, est-il ? De la Dar, c'est pas un fonds de dotation ? Avec qui ont bossé, ouais, si, ouais. Voilà. Et donc c'est des, et ça, par exemple, en parlant, c'est aussi, ça sort évidemment un bien du marché de l'immobilier. Ou pas, c'est ouais. En tout cas, le fonds de dotation est propriétaire. Ouais. Et après, elle a des locataires. Et ça reste pour moi une structure encore dangereuse, parce que si le fonds de dotation vient à s'écrouler, tous les locataires s'écroulent. Et donc, plutôt que de superstructure, il y a un truc à rayonnement local, quelque chose en plus petit, quoi. Et comment, par exemple, si l'Assemblée, on pourrait constituer, si elle devient vraiment très très grande, comment... Je ne sais pas, tout à l'heure on en parlait à un moment dans un des groupes, comment à un moment donné le nombre vient à moduler quelque chose dans la parole, en expression directe. Alors, juste pour thématiser ce qui est en train de se passer, je trouve ça intéressant du point de vue des stratégies juridiques, on est passé d'un nouvel endroit du juridique. En fait, on était sur cette question des droits culturels qui se situe plutôt autour des droits individuels ou des droits fondamentaux de la personne et de choses immatérielles, qui a à mettre en rapport avec les questions par exemple de droits d'auteur ou ce genre de choses. Et là on est passé sur des enjeux qui sont liés au foncier et à ce qui régit le droit de propriété matérielle. C'est pas sans lien, à vrai dire. Main d'œuvre, se sachant menacée, il y a quelques années, a initié une coopérative qui est une foncière solidaire, la main 9.3.0, dont l'enjeu est de doter les acteurs des lieux intermédiaires de la capacité en tant qu'usagers de acheter collectivement leur lieu, de façon à ne plus défendre du propriétaire et à ne pas se retrouver expulsable au bout de 20 ans pour un caprice. Parce que main d'œuvre s'est rendu compte que s'ils avaient, à la place de payer des loyers, remboursé un prêt qu'ils auraient, en fait, ils seraient aujourd'hui propriétaires, ils n'auraient pas de problème, tout simplement. Et Donc cette société coopérative s'est montée sur le modèle de Terre de Liens, en fait. Et par ailleurs, Terre de Liens, juste pour préciser, ce n'est pas juste une association, c'est effectivement un mélange de l'association de coopératives et de fonds de dotation, qui, avec un système assez complexe de gouvernance, est quand même assez travaillé dans l'idée d'empêcher cette centralisation dont tu parles, ce fait propriétaire, tout en permettant de constituer une capacité d'investissement, c'est-à-dire en étant capable de se constituer comme promoteur. C'est ça l'enjeu. C'est-à-dire que, évidemment, dans la propriété d'usage, qui est le modèle que vous utilisez à la déviation, vous divisez beaucoup plus la propriété, vous la sortez du marché, mais vous ne constituez pas de capacité d'investissement. Vous vous retrouvez du coup, d'une manière ou d'une autre, dépendant de la dette que vous générez dans votre achat. Et c'est pas non plus rien. Le problème, effectivement, c'est comment on se donne en même temps une capacité à lever des fonds pour pouvoir sortir ces lieux, et en même temps, comment on réussit à déconstruire cette institution de la propriété privée pour libérer le droit d'usage. C'est pas du tout évident. Et là, il y a plein de stratégies juridiques différentes. La stratégie de l'asilo, qui est ici, c'est la stratégie du droit d'usage civique, consiste à dire, c'est pas du tout à nous d'être propriétaires, sous aucune forme, donc, c'est pas une stratégie de droit privé. La stratégie de la déviation, c'est une stratégie de droit privé qui hack le droit juridique de l'association pour dissoudre en lui-même le fait propriété. La stratégie de l'asilo, c'est une stratégie qui repose sur du droit public, c'est-à-dire sur le fait que la ville de Naples est propriétaire du bâtiment, mais qu'elle enregistre la charte de droit d'usage des occupants de l'asilo. Donc c'est en fait la pérennité de la structure mairie qui garantit la pérennité de la charte d'usage de l'asilo. Il y a peu de chances qu'une mairie soit dissoute, en fait. Mais par contre, si la mairie change d'avis, elle peut dénoncer la charte. Ah ! Bon, voilà. Donc évidemment, tout ça, rien n'est parfait là-dedans. Hein. C'est pas la question, mais c'est juste pour pointer qu'on s'est déplacé dans les stratégies juridiques et là, on a un panel de stratégies différentes qui permettent de répondre à des situations qui ont des faiblesses et que c'est ça qui constitue une ressource juridique concrètement et se donner les moyens de l'utiliser et réfléchir à comment ça... Ben voilà, débattre un peu de ce que ça fait, quoi. Pour ne pas simplement rester à des situations de dépendance à l'égard du fait du presse, du fait propriétaire. Et juste, je ne sais pas quelles sont vos conventions, à vous qui êtes lieu intermédiaire ici, vos conventions avec le propriétaire, sur les lieux que vous occupez. Mais dans mon expérience, en général, elles sont très très peu négociées, elles sont très très mal écrites. Et elles le sont depuis une rationalité qui n'est pas du tout celle de la nôtre, qui n'est pas celle de nos lieux, qui n'est pas liée à nos pratiques, qui n'y fait que très peu de place. Donc je pense qu'en fait, là, on a en tout cas très peu avancé sur ces sujets. En fait, depuis le début, depuis 20 ans. Bon. Ah. Maintenant ici, c'est quand même pareil pour voir ça avec ça. Mais quand même, il y a des formes qui sont très difficiles en Italie. Bon, bah, c'est le propriétaire qui vient réclamer son. La convention, c'est beau geste. C'est beau, hein, c'est comme la décolonisation, ça. Ça arrive à point nommé. Pour les amis. Bon. J'ai l'impression que ça me fait penser au combat avec les soutiens publics et depuis 30, 40 ans, le truc qui se mord tout le temps, c'est-à-dire les soutiens publics qui arrivent toujours en fin d'année, donc le fait que chacun, en fait, on alimente par les accords de découvert, de DAI, etc. On alimente les banques et on essaye régulièrement de trouver la concertation avec la puissance publique. Et puis, on nous dit toujours, bah oui, ça va se faire. Et puis, en fait, ça continue. On n'a pas beaucoup de prise quand même hein, sur un certain nombre de fonctionnements. Comment je dirais, c'est... La technocratie, quoi, ça me fait penser à... C'est là où l'exemple, enfin, l'histoire italienne récente est intéressante, parce que justement, il s'est passé quelque chose autour de ça en Italie. Ils ont été capables d'avoir prise à travers l'argument du droit, en replaçant la question des communs dans le champ juridique. La question des communs, avant l'histoire italienne, elle était quand même avant tout dans le champ économique. C'était Elinor Ostrom, c'était comme ça qu'elle était abordée. Les modes d'organisation. Dans l'histoire italienne, en réveillant cette question juridique de la définition du bien commun, qu'est-ce que c'est un bien commun ? Et en fait, c'est une définition juridique très vieille, c'est constitutif du droit. Très très peu active, très très peu présente dans nos... ils ont retrouvé, mais en le mettant en lien avec un mouvement social, parce que c'est pas juste un travail juridique, quoi. C'est un mouvement social qui s'appuie sur un réengagement de la question du droit des communs. Ce réengagement-là, cette réactivation-là, elle leur a permis d'avoir prise sur quelque chose politiquement. Et prise sur quelque chose qui échappait au registre très très déficient dont tu parles là, cette technocratie, ces organes de parti, le jeu de la représentation, parce que là on passait par ailleurs, mais c'est bien un combat politique, mais qui permettait de sortir de comment on fait de la politique, là, et qui est assez verrouillée effectivement comme tu disais. Bon, c'est ça qui, pour moi, c'est juste un peu dommage du coup qu'on ait un peu séparé comme ça l'atelier sur le juridique, l'atelier sur de la question de l'assemblée des lieux, parce qu'en fait c'est effectivement quelque chose qui nous traverse de près. On a des gros enjeux. Quelque chose nous a échappé à cet endroit-là, mais on va tâcher de faire le lien demain. C'est ça qu'il faut se dire. Je veux dire, on a demain un forum ouvert toute la journée pour faire le lien avec ce qui s'est élaboré du côté de... Voilà. Je me posais la question par rapport à ces limites juridiques, en tout cas, et leur application aujourd'hui. Quelles ont été les possibles projets de désobéissance civile pour pouvoir défendre ces lieux-là et le droit qui est à l'expression culturelle et avec la loi. Est-ce qu'il y a une certaine légitimité du coup à la désobéissance qui pourrait être mise en place comme ça a été fait dans d'autres buts, ou est-ce que c'est complètement à proscrire pour des raisons? Oui, ça c'est très intéressant comme question. On revient un peu en arrière. Il y avait autour, mais ils ne sont pas là, autour de la table, le bureau des dépositions, qui ont une stratégie qui flirte avec ces questions-là. En tout cas, il y a tout un... Tu as parlé de désobéissance civile, moi j'appelle ça des illégalismes. Dans nos pratiques, il y a tout un cas de toute série d'exemples d'illégalisme. Il y a aussi Mix Armiris aujourd'hui qui est ici là, qui a refusé de signer sa convention avec la ville il y a 3 ans et qui aujourd'hui du coup occupe sans droit ni titre un espace, tout en étant quand même subventionné par un certain nombre de collectivités territoriales. Des illégalismes, en fait, dans nos pratiques, effectivement, il y en a plein, et c'est une des façons de jouer un rapport de force. Ça dépend des... Il y a toute l'expérience des ZAD aussi. Il y a les ZAD qui sont là, il y a les squats qui sont un peu une branche à côté de nos pratiques, mais avec qui se rencontrent et qui se croisent très souvent quand même. Le squat plus intermédiaire, avec justement cette question-là, hein, que eux sont plus d'emblée sur un rapport politique, contester la propriété totalement, depuis un illégalisme, c'est-à-dire depuis l'occupation illégale de... C'est ça un squat, c'est une occupation illégale, fondamentalement. Les lieux intermédiaires sont plus ou moins en convention en général, ça s'est en tout cas beaucoup normalisé. Mais il y a encore des lieux intermédiaires qui sont aussi des squats, c'est-à-dire qui sont dans des situations d'illégalité. Et il y a très près d'ici un exemple, dans les répertoires des expériences que j'ai pu voir, l'usine Scopti, qui a été reprise par les ouvriers par le biais d'une occupation de l'usine pendant 1336 jours, qui a permis du coup la reprise de l'usine par les ouvriers en Scop. Et d'ailleurs, ils ont créé une foncière récemment pour pouvoir acheter le lieu de leur usine pour justement, parce qu'ils étaient menacés d'expropriation par la métropole. Et ils ont donc acheté par le biais d'une foncière, ils ont créé une foncière et ils ont acheté, et donc aujourd'hui ils payent des loyers à cette foncière. Donc c'est un exemple intéressant parce que ça croise, à mon avis, plusieurs des éléments qu'on a abordés. Scopti, ouais. L'usine Unilever qui a été reprise par. par les ouvriers. Et c'est aussi la lutte syndicale. Enfin, là, pour le coup, c'est aussi, ça démontre aussi la force de, bah, de la politique, quoi. À partir du moment où elle se syndicalise, où il y a du mouvement derrière, parce qu'ils ont été vachement soutenus par les syndicats. La parole est au syndicat. Comment est-ce qu'on y va ? La parole est au syndicat. Tu veux que je dise quoi ? Adhère et tu me diras ce qu'il faut que je dise. C'est ça. Non, mais justement, enfin, peut-être que la question, c'est-à-dire que si on doit poser des actes un peu constitutifs de notre assemblée, est-ce qu'on en est encore à se poser la question de la nécessité de faire cette assemblée, ou est-ce qu'on pose des actes un peu constitutifs? Et dans ce cas-là, il y a la question, il y a cette question-là, mais elle est peut-être, enfin, elle est, soit on se porte par rapport à main d'œuvre, mais il faut savoir d'où on parle, quoi. Ça peut être... Aujourd'hui, notre entité, elle n'existe pas en réalité. On est plusieurs à parler d'endroits différents, semble-t-il, même si on se rencontre. Là. Ouais. Et puis, il y a quand même, par contre, on participe aujourd'hui à un événement qui s'appelle les Commons Camp, où on est venu, on a fait le choix de venir, et il y a une structure qui a fait le choix de ne pas venir, de ne pas s'en reconnaître. Et je pense que ce serait bien aussi qu'on puisse aborder cette question-là, et sur des arguments qui sont en plus extrêmement... Enfin, il y a de quoi dire, quoi. Et donc, et peut-être que ça nous permettrait aussi de poser un premier acte qui serait éventuellement de se positionner par rapport à ce qui s'est dit et de se positionner collectivement, même si ce n'est pas au titre d'une assemblée constituée, mais de ces différentes composantes. C'est une proposition que je fais, c'est juste histoire de... Parce que sinon, je pense qu'on peut, sur les questions juridiques, on peut parler des heures, et puis en même temps, c'est vachement technique, et qu'il y a un moment où il faut aussi se poser et éclairer les choses pour ça, voilà. C'est le vrai sujet de... C'est un vrai sujet, et ça mérite, voilà. Et par contre, il y a cette autre question-là qui pourrait nous permettre de poser un premier acte. Si on souhaite le faire, hein. Forcément à personne. Ou à ceux qui le veulent de le faire. Quoi qui a motivé le refus de participation ? Alors, un mot, je prends la parole parce que, évidemment, il y a des nuances à apporter là-dedans. La preuve, c'est que je suis là quand même. Et que malgré tout, même si je suis venue aussi au titre de Béa Ballet, comme je suis présidente, je suis aussi quand même venue au titre de France Active. Donc, d'une certaine manière, France Active n'a pas totalement refusé de participer. En tout cas, l'équipe technique n'a pas refusé de participer. En revanche, il y a eu un phénomène que moi-même je n'arrive pas totalement à saisir, qui a conduit notre gouvernance, et essentiellement notre président, à s'opposer. Non, au niveau local. On est une association, hein. France Active est une association qui a une entité juridique régionale, et après il y a un mouvement national auquel on est relié. Et donc au niveau de notre association, le président a refusé effectivement par le biais d'un communiqué de venir s'associer à ce Commons Camp. Je dirais que la décision nous est parvenue de manière assez subite, sans qu'on puisse d'ailleurs en discuter, et ça s'est décidé en 10 minutes. Donc il est à mon sens délicat d'indiquer que France Active refuse de continuer à travailler avec les communs, d'autant plus que il y a toujours des distinctions entre le fait et ce qu'on affirme. On y travaille depuis longtemps, on y travaille à Arles, on y travaille à plein d'endroits. C'est-à-dire on est relié à ces lieux parce qu'on est un tiers qui permet, avec tout un répertoire d'expériences qui nous permet de nourrir les réflexions des uns et des autres, de venir les accompagner, les relier. Donc, en revanche, il est vrai que à mon niveau, j'ai l'impression que c'est intéressant, pour autant, qu'il y ait une parole qui puisse être adressée à notre président, puisque c'est lui qui s'est exprimé, sur l'étonnement. Enfin, après, j'ai envie de dire, c'est pas à moi de le dire, c'est à chacun d'entre vous de le dire ou de ne pas le dire, puisque pour beaucoup, vous avez eu à travailler avec nous, J'imagine que si vous avez eu à travailler avec nous, c'est que vous avez dû considérer qu'on le faisait avec un objet social qui correspondait à la manière dont vous aviez envie d'envisager votre travail. Nous, en tout cas, encore une fois, je ne veux pas parler pour tout le monde, mais en tout cas, moi, j'ai une vision du projet Transactive. Qui est peut-être pas la même que celle de ma gouvernance, c'est comme ça, c'est la vie. Et après, si en effet il y a une décision qui doit être prise, à la rigueur, elle ne me regarde pas. Ouais, moi je viens au titre du champ technique. Le communiqué, excusez-moi. Ben, oui, le communiqué, je ne l'ai pas, mais le communiqué a été en des termes assez. Désagréables. Pas d'argumentation. C'est très succinct. C'est en combien de phrases, ça, il a été dit qu'en aucun cas c'était un. On peut le lire. En fait, juste pour redonner, moi j'ai envoyé vendredi dernier la programmation des événements du réseau de l'année en mettant en avant le CommonsCom comme le premier événement qui permettait à l'ensemble des membres qui se reconnaissent dans le réseau Transactive de venir y participer. Et le président a répondu en disant que c'était une erreur. Qu'en aucun cas France Active n'était associée à ce mouvement, à cet événement, et qu'en aucun cas il ne le cautionnait. Il n'a pas juste dénoncé un partenariat, il l'a dénié. D'accord. Je lui dis si vous voulez. Oui, voilà. Non, ça il ne le dit pas dans le communiqué. Non, bien sûr que non. Ça c'est du off. Le communiqué, ça dit, Madame, Monsieur, par un message de ce jour, vous avez été informé du programme prévisionnel des manifestations envisagées pour 2020 dans le cadre du réseau des entrepreneurs engagés porté par France Active Provence-Alpes-Côte d'Azur. En gras, par suite d'une regrettable erreur dont nous vous prions de bien vouloir nous excuser, il est fait mention dans ce message d'une manifestation intitulée « 3 jours de Commons Camp ». Nous tenons à préciser que cet événement est sans lien avec France Active et que notre organisme n'a jamais été ni de près ni de loin associé à cette démarche qu'elle ne saurait cautionner. France Active Provence-Alpes-Côte d'Azur prie par ailleurs les organisateurs de cet événement de retirer surtout sous peur toute référence au nom, à la participation et au soutien de France Active fait à Marseille le 10 janvier 2020 pour France Active, Jacques Bonnabel, président du directoire, et Jean-Charles Clerc, directeur. Ah, donc, c'est un déni. Si on s'en tient à ce communiqué, Claire Moreau n'est pas ici en ce moment. Et donc, je disais que c'était au niveau de la gouvernance, mais sinon au niveau des équipes. Vous êtes désolidarisé de cette position, vous avez officiellement une position ou pas? Oui, on a officiellement une position. Après, je ne suis pas sûre que ce soit le lieu pour en parler. C'est pour savoir. Oui, mais en tout cas, je suis ici parce que j'estime que le partenariat est évidemment ancien, qu'en plus, on a déposé une demande de subvention ensemble, donc c'est un peu difficile de dire que nous ne sommes pas reliés. Je pense qu'il y a à faire du côté des lieux intermédiaires et que donc, je pense que de toute façon, stratégiquement, pour France Active, il est juste... Il faut juste être là, quoi. Juste être là en tant qu'observateur, soutien, outils méthodologiques éventuels, enfin voilà. Et puis tous nos dispositifs, tout ce qu'on porte est ouvert aux structures des lieux intermédiaires. Donc évidemment, c'est même pas vraiment un sujet. Moi je pense que c'est très positif. qu'à un moment donné. Les choses viennent buter sur le réel, c'est toujours positif. Après, de quelle façon, et c'est peut-être regrettable pour vous, ça vous met dans une position qui n'est pas... Voilà, mais moi je trouve que c'est très positif, ça permet de situer, de se situer. Et puis dans une ville qui a cette histoire, cette géographie, cette répartition sociale, cette succession de recouvrements anthropologiques un peu très constructifs et très très très marqués par la colonialité, c'est très important que ça bute ici, maintenant, sur ce type de propos. Et sur ce type de construction commune, justement. Voilà. Et moi, je pense que c'est positif pour ça. Tu as raison, Manu, mais en même temps, c'est pas nommé. Et que peut-être que dommage, la question, et que peut-être que la question, c'est justement d'aller plus loin et de poser cette question-là. Mais pourquoi retirer déni de pas se nommer. Il faut le nommer, s'il faut l'aider. On peut pas s'en emparer si c'est pas nommé. On peut mettre un fer rouge sous les yeux. On peut le nommer nous-mêmes, peut-être. On peut s'en emparer parce qu'on l'a déjà mis dans le programme. Et que quelque part, c'est aussi une notion qu'on peut partager entre nous, comme étant quelque chose d'important et donc quelque part qui définit aussi la... Mais tu peux pas dire quelqu'un fait ça parce que, s'il dit pas que c'est parce que, non, tu vois. Non, mais je veux dire, France Active, bon, c'est un épi... Enfin, c'est un... Voilà, après, je veux dire qu'on est... On va passer à autre chose, quoi. Mais vous le savez ou pas que c'est parce que vous l'avez entendu, vous l'avez... Il a parlé en dehors du communiqué. Non, mais déjà, moi, je trouve que le communiqué, il n'est pas sympa, quoi. Il aurait pu juste dire... Ah, ça, dire... Il vous laisse pas des fleurs, non, quoi. Non, mais je veux dire, il aurait pu juste dire on se désolidarise de ce truc-là, et sans dire en aucun cas, je ne sais pas quoi, là, c'est quand même... Oui, on cautionne pas cet événement pourri. Moi, je trouve ça déjà... Dans la rédaction, je trouve ça moyen. On est d'accord. Il y a quelque chose d'agressif, évidemment, à l'égard. Donc, moi, je pense qu'on pourrait écrire et demander pourquoi. Giusto poco parole, no? Una storia molto triste, però per me è anche molto interessante vedere che ci sono veramente anche vari, molti modi diversi, diciamo, di organizzarsi in questi... C'est une histoire très triste, mais c'est aussi intéressant parce qu'il peut voir comme il y a beaucoup de façons différentes de créer des communes, de créer quelque chose, de s'organiser. Sì, diciamo, per me che sono all'asilo a Napoli, quando ho sentito la parola presidente, ho pensato, presidente, perché diciamo da noi un presidente non c'è proprio. Ne abbiamo parlato proprio pochi giorni fa quando stavamo discutendo delle difficoltà che hanno delle persone che vengono da fuori, che vogliono fare un progetto da noi, che spesso non capiscono con chi devono parlare, chi è il capo, chi è il presidente, perché non c'è. E quindi una decisione di questo genere, andiamo o non andiamo, da noi sarebbe stato il prodotto di una discussione di 6 settimane con tutti quanti, dove non si capisce niente. Il ha detto che per lui c'était vraiment bizarre d'entendre le mots président, car ils n'ont pas de président et il vient juste de parler comment peut-être c'est difficile pour quelqu'un qui veut travailler avec eux, avec l'asilo, car souvent ils ne savent pas avec qui parler, car il n'y a pas de chef, il n'y a pas de président, et les gens, ils ne savent pas avec qui ils peuvent s'organiser. Et il a dit que dans l'asilo, ce ne serait pas possible que quelque chose comme France Active se passe, parce que ce n'est pas que les décisions, c'est une personne qui les prend, mais c'est les résultats de 6 semaines de discussions, jusqu'à ce que tout le monde soit satisfait avec ce qui a été décidé. Alors, en fait, tu as parlé de 10 minutes. Voilà. Ça retire la notion du début. Je pense que ça illustre, disons, en quoi il y a une différence de méthode entre, disons, l'économie sociale et solidaire et les communs. Je pense qu'en fait, on peut déjà simplement acter cette chose-là, quoi. Très simplement. On l'a, quoi. Bon. La verticalité, l'horizontalité. Voilà. Oui, voilà. Mais ça, effectivement, pour préciser, Giacomo, France Active, c'est une structure qui n'est pas un lieu intermédiaire. Ouais. Ne s'est jamais prétendu être un commun, en tout cas. C'est pas son sujet, quoi. C'est pas son sujet. C'est de l'accompagnement. Son sujet, c'est de proposer des accompagnements à des structures qui sont dans le champ de l'économie sociale. Alors, ce que c'est l'économie sociale en France, ça recouvre des réalités très différentes, en fait. Et c'est ça qui est compliqué. Mais cela dit, il n'y a pas que l'économie sociale qui est concernée par ça. Ce que ça met en évidence, c'est que dans la famille qu'on forme, se côtoient des choses très diverses et qu'on a besoin d'un petit effort de clarification pour être sûr d'être bien en train de parler tous de la même chose à un moment donné et d'être d'accord à minima sur les manières dont on s'engage et les choses qu'on défend. Cet effort de clarification, je pense que c'est aussi une des tâches essentielles que cette Assemblée devrait s'adresser à elle-même sur sa feuille de route, en fait. Elle servir à ça, quoi. Une assemblée des lieux intermédiaires, c'est aussi un espace de vigilance sur les pratiques des acteurs. C'est-à-dire, est-ce qu'on est encore raccord avec ce qu'on prétend être, quoi? Est-ce qu'on est bien en train de faire des communs, là? Est-ce qu'on est bien en train d'essayer de favoriser le droit d'usage ou les droits culturels des habitants? Est-ce que c'est bien ça qu'on est en train de faire? Ouais. Pas. Après, par rapport à cette question que tu poses, il y a un peu, moi, ce que j'entends dans cette histoire, il y a un peu une question de méthode. C'est-à-dire que vous, France Active, vous êtes dans l'accompagnement des structures. Donc, accompagner des structures, ça veut dire plein de choses dans vos métiers, mais ça veut dire que c'est des gens, des fois, qui ne vont pas très bien, vous voyez, qui accompagnent. Il y a l'idée un tout petit peu, ils ne vont pas très bien, on va s'occuper d'eux. Il y a un peu... Mais on peut aussi le voir comme ça. Et donc ça veut dire qu'on va un peu les soigner. Voyez. Moi j'entends dans la lettre des deux présidents des gens qui ont besoin d'être soignés. C'est un peu ça le problème. C'est qu'ils sont un peu malades de leur truc hiérarchique. Voilà, ils envoient un mail qui n'est pas sympa du tout, alors que vous êtes en lien, etc. Donc ils sont un peu. Ils ont besoin qu'on s'occupe d'eux, ils ont besoin d'être accompagnés. Je pense qu'il y aura. Vous voyez, en termes de méthode, il y aura un retournement à effectuer pour dire écoutez, la présidence de France Active, on a des accompagnements pour vous, voyez. Et là on ferait notre métier, nous. Mais, du coup, de fait, moi aujourd'hui, en venant ici, je suis intéressé des lieux intermédiaires qui n'est pas France Active. Ça me fait un peu ni chaud ni froid par la situation, là, intéressante à investiguer pour comprendre et comme on l'a dit, à voir qu'on n'est pas forcément dans le même bateau. Mais ça, moi, c'était plutôt une surprise de voir France Active, enfin, je trouvais ça classe de votre part, de voir en co-organisateur, co-invitant de la journée, mais si c'est une assemblée des lieux intermédiaires, France Active, c'est pas un lieu intermédiaire. Mais que ce soit un partenaire, il y a plein de partenaires de tous nos lieux, publics, privés, semi-publics, et heureusement qu'ils s'intéressent et que les personnes après soient là quand il y a des moments de débat, tant mieux, parce que ça veut dire qu'après on fabrique une sorte de vocabulaire commun, je ne pense pas que ça remette en question la pertinence d'avoir une assemblée de lieux intermédiaires. Non, mais l'idée, c'est qu'on pourrait réagir collectivement ensemble à ce premier événement, oui. Et que ça pourrait être une des bases, à côté d'autres choses, d'une constitution de quelque chose de cette assemblée. C'est un événement très réactif et défensif sur un propos d'un monsieur qu'on ne connaît même pas et qui... Moi, je me permettrais simplement de... Main d'œuvre, ça me parle beaucoup plus que... Mais c'est un petit peu symbolique si on se dit que ce qui tique, c'est une manière de définir. Si vous avez fait une lettre ouverte en utilisant les mots et les arguments, là, c'est difficile de s'emparer. Pas difficile. Moi, je pense juste que quand même, je répète encore une fois que, à mon sens, ça fait quand même 15 ans qu'on existe et qu'on travaille avec un projet social qui est d'accompagner les structures des projets sociaux et solidaires, d'utilité sociale, etc., dans une logique d'alternative, et que, à mon sens, il serait dommage d'écarter l'association France Active de vos partenaires, mais plutôt d'aller chercher une clarification qui permette de remettre du partenariat au bon endroit, et que ça favorise de notre côté la possibilité d'avoir une clarification, en effet pour nous aussi, du positionnement de notre gouvernance. Parce que, encore une fois, soyons clairs, nous, en tant que salariés, en tout cas moi en tant que salarié, je ne me reconnais pas non plus dans cette affirmation, et ça m'embêterait que je perde le sens de mon travail. Alors que, pour l'instant, je trouve que c'est plutôt sensé, quoi, ce que je fais. Je pense que je suis à un endroit plutôt utile. Dans ce débat, il y a deux niveaux. Il y a un niveau en interne, vous êtes dans une posture inconfortable, etc. Et puis il y a un niveau en externe, c'est-à-dire que les lieux intermédiaires, qui apparemment sur le mot de la notion de décolonisation, voient une présidence dire non, je ne peux pas cautionner une discussion autour de la notion des principes des communs. La question qui est posée au lieu intermédiaire, on est comme pour main d'œuvre à Saint-Ouen, c'est de dire contre quoi est-ce qu'on se bat ? Parce qu'il est bien question de lutte là. Les main d'œuvre à Saint-Ouen, c'est bien une lutte. Dans 18 mois, ils vont fermer. Donc, à un moment donné, contre quoi on se bat ? Est-ce qu'on se bat à Saint-Ouen pour quelque chose ? Est-ce que contre la notion de décolonisation, qu'est-ce qu'on avance comme argument ? Donc effectivement, ça peut être une idée de demander une explication. Pourquoi est-ce que vous ne cautionnez pas Et puis ensuite, bah, de dire, bah, voilà, nous, on se positionne là, vous vous positionnez là. En interne, vous avez intérêt à ce que les partenariats continuent, mais peut-être qu'on n'a pas intérêt à ce que les partenariats continuent en externe. Vous voyez, c'est deux questions distinctes. Hein. Moi, en tant que si j'étais un lieu intermédiaire, me faire accompagner par une présidence qui, pour laquelle la notion de décolonisation pose problème, je dirais, attendez, moi, je vais d'abord vous accompagner. Et puis ensuite, on verra. Vous voyez, je retournerai le truc. Je veux dire, c'est pas possible. C'est tout simplement impossible. Moi, je pense que dans ce qui a été dit tout à l'heure, à propos de main-d'œuvre, je crois qu'il y a l'idée de s'opposer à quelque chose. Et il y a l'idée d'une radicalité, de se radicaliser dans quelque chose. Parce que si on se radicalise dans une opposition à la fermeture de main-d'œuvre, il y a quelque chose que pressent peut-être votre association qui se retrouve dans une situation dans laquelle ils ne se reconnaissent pas. Et j'ai l'impression que tous les endroits où on va essayer de trouver des places où on reste d'accord, ça va être effectivement des endroits intermédiaires, mais pas les bons. Je veux dire, c'est, à un moment donné, si on a à s'opposer à main d'œuvre, c'est pas de la tarte. Parce que ça veut dire, c'est imposer les droits culturels, c'est imposer les droits d'usage, c'est tout ça. Et donc, arriver en disant, on veut ça. Donc, c'est une radicalisation, ou sinon, on est là en train de se dire, comment on fait pour être d'accord? Sur quoi on est d'accord? Il y a quelque chose qui est pas très clair. Et pareil tu vois, à un moment donné, quel terme on pourrait trouver d'autre, à part à la place de décolonisation des arts, pour se mettre d'accord? Non. Si quelque chose se dit comme ça, c'est quelque chose qui s'affirme, qui est revendiqué, et peut-être qui a à défendre. Voilà, nous, on le défend. Je sais pas. Et puis, pardon, mais... Ah bah, il est parti. Nicolas ? Je trouve ça pas très sympa. On n'a pas fini la discussion. Ouais. Alors, je voulais juste dire que c'est plus, pour moi, c'est des genres de paroles, de discours à un endroit peut-être à éviter quand on est en train de se regrouper. D'autant plus quand on se regroupe à l'intérieur d'un commons camp où on se dit que peut-être comment le commun peut venir soutenir les lieux intermédiaires et que là où pour moi ça c'est précieux, c'est que comment ne pas rester qu'entre lieux intermédiaires quoi. Et on ne fait pas... je veux dire, déjà même rien qu'entre l'intermédiaire, on fonctionne déjà différemment et... J'en ai parlé, tu vois, je suis concernée par ce qui se passe là. Donc voilà, je voulais juste être un peu rappeler, tu vois, que même si on ne connaît pas ce monsieur, et ben peut-être que voilà, reprendre aussi la proposition d'Emmanuel qui disait, ben voilà, quelle action maintenant l'Assemblée, elle va permettre de mettre en place déjà des réactions et moi, ce qui là m'agite, là, dans cette assemblée, c'est qu'on prend deux cas d'actualité. Et que déjà, c'est des mouvements d'action. Et donc, voilà. Et après, comment on fait pour redistribuer l'action, quoi. Donc, comment est-ce qu'on se met d'accord si on répond, comment on répond à M. le Président et comment... voilà. Ça veut dire physiquement dans l'action, comment on se... On a plus très longtemps pour cette discussion. Moi, il me semble qu'un élément qui a été évoqué, qui est important au stade où on en est, c'est de trouver une façon de déclarer quelque chose en tant qu'assemblée et par ce fait de se déclarer constitué en tant qu'assemblée. Vous savez, la fonction performative du langage, je vous déclare unis par les liens du mariage, hop, on aille. Bon, on peut dire comme ça, l'Assemblée des lieux intermédiaires se déclare constituée en ce jour du 17 janvier 2020, et hop, on est constitué. Nous rentrons dans l'histoire. Voilà, et déclare, un, sa solidarité à main d'œuvre, lieu intermédiaire pionnier, dans son combat pour blablabla. Deux, réaffirme vouloir partager et défendre les initiatives qui mettent en œuvre des alternatives solidaires, écologiques, démocratiques, féministes, antiracistes et décoloniales à travers leur organisation en commun. Et là, finalement, on répond sans avoir à assigner qui que ce soit et sans faire de procès à qui que ce soit. Et trois propose un accompagnant psychologique à la présidence de France Active. Mais ça, c'est le hop, ça. Oh là là. Non, et comment on le 3, ça peut être plus sérieusement ce qui vient d'être énoncé autour de Tarive, c'est la défense du droit d'usage et des droits culturels. L'Assemblée se donne comme objet de développer la maîtrise d'usage. Et visera à mettre en œuvre les droits culturels des Marseillais. Et les devoirs. Et rappellera la puissance publique à ses devoirs. Voilà. En matière de droits culturels et de droits d'usage. Voilà, voilà. Au service de l'intérêt général. Au service. Et de toute façon, dans les droits culturels, est toujours inclus aussi la liberté d'expression, donc la création artistique et tout ça. Pas besoin d'en faire un truc à part. Sur ce, le président déclare l'Assemblée. Non, non, mais attendez. Oui. Est-ce qu'on a déclaré un président de l'Assemblée ? Non. Il est sympa, lui. Mais pas mal. Est-ce qu'il faut signer ? Non. Est-ce que sur ce principe, il y a un consensus là autour de la table ? La déclaration de cette Assemblée et les trois points que j'ai énoncés. Est-ce qu'il y a un consensus ? C'est ça la question. Moi, j'ai... Qu'est-ce que ça va faire physiquement ? Pas grand-chose. Ça donne pourquoi des boutons. Ben pour l'instant, ça dépendra de nous. Qu'est-ce que tu veux dire physiquement ? Ça veut dire qu'à quel moment faire apparaître on pourrait trouver des points de rassemblement et tout ça. C'est ça, on va se rassembler. C'est ça que ça veut dire. Oui, mais c'est une étape et après, on a une date. On a pris. J'en ai existé. Pour le coup, ça, c'est la suite, quoi. Hein, c'est la suite. Mais les cellules se soudent. Ouais. Ouais, voilà. Déjà, on existe en tant que collectif et ensuite, on va se mettre en travail. C'est là qu'on va voir ce qu'on en fait. Peut-être rien. Hein. Mais j'espère. Ce ne sera pas très grave. On peut aussi se divorcer assez vite. Hein. Ouais. Je sais pas, et on ne peut pas se positionner sur la retraite aussi pendant qu'on y est ? Tu trouves que c'est vraiment beaucoup trop flou, en fait ? Non, mais c'est pas ambitieux. Enfin, tant qu'on y est. Vu que c'est d'actualité et que. Non, mais sur les retraites, c'est pas le bon mot, peut-être, mais sur. Sur les luttes sociales en cours. Sur les luttes sociales en cours. Oui, mais c'est très vague. C'est très vague. On peut dire contre le projet de réforme des retraites. Retraite, assédique, recherche. Pour le retrait, la réforme Blanquer, excusez-moi, mais voilà. Ça concerne plus la culture. Voilà, directement, secondaire. Plus évident, quoi. Je ne mets pas l'un que l'autre. Oui, oui. Bah, la retraite, ça concerne tout le monde. Certes. Mais alors peut-être que dans ces cas-là, on peut le synthétiser l'Assemblée. En disant... On peut rajouter la charte de la minorité. Autour de cette question de rappeler la puissance publique à ses devoirs au titre des droits culturels et de l'intérêt général, peut-être on peut dire dans ces cas-là que l'Assemblée des lieux intermédiaires dénonce dans toutes ses occurrences le transfert de l'intérêt général vers le privé de la part de l'État et des collectivités. Parce qu'en fait, ce qui fait commun dans toutes ces choses que tu viens d'énoncer, c'est le transfert vers le privé, la gestion privée de choses qui étaient dans la sphère publique, qui relevaient de l'intérêt général. Ouais, c'est pas mal. Et par ailleurs, c'est un truc qu'on voit aussi développer dans nos pratiques à nous. De lieux intermédiaires, on voit de plus en plus des commandes de l'aménageur, appeler le privé à prendre le relais. Alors, ça... Moi, je vous pose la question sur les tiers-lieux, justement, qui sont... Oui, alors ça, c'est vraiment, évidemment, la suite de la discussion. Catherine, vous avez entendu ce qu'elle a dit ? Non. Tu peux le redire ? Par rapport au public qui glisse vers le privé, ça me questionne sur les tiers-lieux. Je suis des lieux intermédiaires, tiers-lieux, on en a discuté, lieux intermédiaires... Alors que tiers-lieu, Brasse, pour moi, c'est un mélange souvent d'activités économiques, c'est un lieu de vie et... Alors pas tous, hein, parce que c'est encore très flou, cette notion de tiers-lieu, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, En tout cas, j'ai l'impression que c'est quand même un truc un peu plus bel. Mais il y a beaucoup de lieux qui se revendiquent comme tiers-lieux. Et il va y avoir des subventions allouées à ces tiers-lieux. Il y a même des lieux intermédiaires qui veulent glisser vers le tiers-lieu pour pouvoir demander ces subventions. Qui ne sont pas du tout dans les mêmes logiques financières de projet. Je marche sur des œufs parce que le tiers-lieu, enfin, je ne sais pas si vous êtes très clair sur les tiers-lieux, mais quand je vois qu'il y a des lieux qui font clairement une activité économique, sous prétexte que brasser avec une activité économique, il y a un truc qui fait lieu de vie, ou lieu de fête, ou lieu de je sais pas quoi, ben ça s'appelle un tiers-lieu. Ça mérite. Et tu fais une subvention en tant que tel. Oui. Pour moi, il est tiers. Forcément avoir les mêmes valeurs que. Pardon, Scal, excuse-moi. Ah, pour moi, il est tiers simplement parce que il répond ni à l'officiel ni au populaire. Et du coup, c'est un tiers. Voilà. Ouais. Tiers, c'est tiers des cartes. C'est un tiers à quatre. Vas-y, redis, c'est ni au populaire, ni... Ni à l'officiel, ni au populaire. Ah, mais c'est quoi alors? Ah bah c'est un tiers. C'est un tiers. Ah bah c'est tiers. Alors bon, moi j'ai essayé de noter tout ça en vrac. Je vous propose de en faire une petite lecture. Et est-ce que tu as rajouté le truc des retraites ou pas? À peu près. Parce que non. Ben, c'est pas que non, évidemment que non, mais je trouve reformuler de. Non, c'est pas ne pas soutenir la lutte qui est en cours et en action, mais. Alors c'est quoi? C'est que je sais pas. J'ai peut-être attendu de voir la proposition de vue parce qu'il semble qu'il la reformule différemment. Il élargit vraiment la question. C'est vrai que toi, tu peux nous dire. Ouais, c'est ça. Enfin, l'Assemblée dénonce à ce titre les politiques publiques organisant le transfert de l'intérêt général vers le privé et les modes de gestion privée dans tous les domaines de la vie publique. Là, on peut mettre des exemples. Réforme de retraite, privatisation des hôpitaux de Paris, réforme de l'enseignement supérieur. L'enseignement secondaire. De l'enseignement en général. En général, la recherche. Bah oui, enfin, en fait. Là, on peut la liste, on peut la continuer de façon un peu longue, quoi, mais c'est pas très important, en fait. On la connaît, cette liste. On peut en mettre 300 points, on s'en fiche. Après, moi, je voudrais dire un mot. Et notamment dans le cadre de l'aménagement du territoire et des pratiques d'occupation d'espace et de l'urbanisme transitoire, qui nous ramène à notre sujet à nous. Non ? Oui. Voilà. Et du coup, là, on a pris une position qui en même temps nous situe nous et puis dans un champ plus large. Est-ce que c'est. Je comprends ta réserve, mais il y a un côté, c'est vrai, aujourd'hui, un peu surréaliste dans toutes les corporations. De mener des luttes sectorielles. Et aujourd'hui, c'est out, ça c'est mort. Donc à un moment donné, il y a un peu l'idée d'une lutte sociale avec les communs, il y a quand même un peu cette idée-là sous-jacente, notamment par exemple contre la propriété, par exemple sur la ressource dans la durée. Et donc, mais je comprends la réserve, ça peut paraître surréaliste de dire mais pourquoi on va mettre les retraites et l'enseignement secondaire? Alors, dans la charte, c'est intéressant comme débat, dans la charte des lieux intermédiaires qu'on a mis longtemps à élaborer avec la CNLI, à la fin, on situe notre combat à côté des droits du vivant et de la défense des droits de la connaissance. On le fait, ça a été très très long à faire passer dans nos discussions en interne auprès des autres réseaux. Tu dis, ben, c'est vraiment pas du tout le sujet, en fait, ça ne nous concerne pas. Pourquoi on fait ça? Voilà. En fait, on avait l'intuition à ce moment-là que c'était essentiel d'articuler ces questions-là justement depuis la question des communs. Parce que ce que les communs posent, c'est cette transversalité de la question du droit dans nos rapports à nos modes d'agir. Ce dont on a besoin, c'est d'une certaine façon, c'est une révolution de notre philosophie du droit qui modèle toutes nos institutions, depuis la division du monde entre des sujets, des personnes et des biens, depuis un rapport d'exploitation de la nature, mais qui est aussi en fait la définition de l'institution de la propriété privée. La possibilité de posséder quelque chose en tant que personne. Et cette distinction qui fait que d'un côté, il y a. Et ce changement radical-là de paradigme, c'est celle-là qui est. Et alors, il y a un documentaire qui va. Ça, je clôturerai là-dessus. Il y a un documentaire qui va sortir, ça s'appelle De quel droit, qui parle de ça. Encore les droits. Voilà. Et qui fait le lien. Enfin, qui explique en quoi, en fait, cette question des communs adresse un problème de droit fondamental qui est structurant de notre imaginaire, mais c'est plus que social, hein, parce que c'est presque un imaginaire civilisationnel, parce que ça remonte à loin, ces fondements-là du droit, qui est celui de la, qui est devenu celui du monde, en fait, qui s'est mondialisé, mais qui est celui du droit occidental, en fait. Et qui est précisément celui qui fait que notre mode d'organisation est incapable de répondre aux problèmes qu'il a générés, aujourd'hui. C'est là où, effectivement, je veux dire, on a notre niveau micro de l'Assemblée des lieux intermédiaires, mais en fait, ça n'a du sens qu'effectivement dans cette articulation avec un niveau macro. Et depuis ce moment où le micro politique peut court-circuiter et passer au niveau macro à n'importe quel instant. Et si on arrivait à tenir ça, moi je crois qu'on serait à l'endroit le plus juste. Enfin, pour moi, c'est effectivement le sens de faire ça ici. Cette Assemblée des lieux intermédiaires, on aurait pu la faire dans notre coin, entre lieux, et discuter de nos problèmes à nous. Peut-être ça aurait été plus productif, on aurait pu mieux s'organiser, on aurait eu plus de temps. Mais en fait, en faisant ici, ce que ça change, c'est qu'on est adressé sans arrêt à tous ces enjeux. Que le décolonial fait irruption et qu'on est obligé de le traiter. Ça, ça serait pas posé autrement. Ça change quelque chose. Bon, je pense que je peux. On peut finir là-dessus. Jules, est-ce que tu... On a cette déclaration. Est-ce que tu peux relire le début? Il y a un truc que je n'ai pas bien compris. Le début de... Non, la dernière phrase. La dernière. Ouais. Enfin, l'Assemblée dénonce à ce titre les politiques publiques organisant le transfert de l'intérêt général vers le privé. Vers l'intérêt privé. Ouais, vers l'intérêt privé, vers le... Oui, vers parce le, que privé, vers la gestion privée, association privée... T'as raison, pardon. Ça, c'est raccourci de langage, c'est mal écrit. Organisant le transfert de l'intérêt général vers des modes de gestion privée. C'est pas que des modes, c'est des intérêts, c'est des intérêts. Mais c'est des intérêts, des modes de gestion centrés sur les intérêts privés. Quand tu vois comment est fabriqué le pass culture, quand tu vois comment, c'est de l'argent public qui est. D'accord, c'est pas très bien écrit encore. Alors, on a peut-être un petit problème de rédaction là. Donc, ce que je propose, c'est de mettre à l'examen de l'Assemblée qu'on compose là. Oui, tu as ton papier. Là, j'ai. Voilà. Vous avez bien tous donné un mail? Non. Je finis de rédiger ça proprement pour que ce soit sur le papier correctement écrit. Je vous soumets à l'examen. Ça peut se modifier un petit peu. Et ensuite, on le rend public. Mais je crois que... Mais là, aujourd'hui, on peut le lire aussi. On peut le lire quand même une comme fois. Un bouillon. Bien sûr. Parce que c'est vrai qu'il y a des petites choses comme ça. Le transfert d'intérêt général vers des modes de gestion centrés sur les intérêts privés. Pourquoi pas. Mais ça, c'est là où on en est. Dans tous les domaines de la vie publique. Il me semble qu'on a encore toute une journée de travail par un et que ce n'est pas inintéressant de revenir à la lumière de ce qu'on aura échangé demain. De se relire à la lumière de ceux qui sont là auront échangé demain soir. Ben oui, parce qu'on ne va pas le relire là maintenant. Enfin, si, on peut ce qui est intéressant, c'est vraiment chouette, c'est qu'on puisse s'adresser à tous les autres. Et oui. C'est-à-dire, tant qu'on est là et qu'ils sont là, tous les autres. Comme un brouillon, Emmanuel, c'est pas possible. Un brouillon, on leur demande ce que je dis juste. Ouais, ouais, c'est ça, un truc comme ça. Ouais. Non. Ouais. Bah oui, il faut. Ouais. C'est bien ça. Ouais, c'est bien. Un point levé. C'est la version martyr. C'est la version martyr. Texte martyr. Bon, alors on fait ça. Bah. Oui. J'ai plus de batterie, mon ordinateur vient de s'éteindre. C'est, tu peux même ça pas tomber point nommé. On est obligé de te donner notre mail. À mon avis, c'est un signe. Un signe. C'est un signe des dieux. Je déclare mon ordinateur clos et l'Assemblée levée. Voilà. Merci. Merci, monsieur Dégout. L'ordinateur levé, l'Assemblée close. Je vois la